tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, une histoire du dance floor, une série de Perrine Kervran réalisée par Anne Pérez. Au départ de cette série, il y a des nuits volées au sommeil et offertes à la danse. La température qui monte, le plaisir de lâcher prise et de sentir le cœur cogner et les basses vibrer dans l'estomac. Danser à en avoir mal aux pieds dans des endroits à penser pour ça et se demander ce que nos façons de danser disent de nos sociétés. Mais au départ, il y a aussi la passion pour la boule à facettes. Alors pour commencer, les personnages. Un DJ breton devenu pizzaïolo, un directeur de discothèque nostalgique, un DJ que les lasers ont rendu aveugle, un danseur infatigable, une clubeuse qui a été souvent refoulée, un patron de discothèque à répétition. Ensuite le décor, les discothèques à l'extérieur des villes, d'autres au fond des bois, la fumée de cigarettes, un grand incendie, le premier laser, un sous-sol à Montreuil, de la résine époxy, un ancien théâtre, un mur de néon, la voix des Bee Gees, le sida de plein fouet et la crise économique. Aujourd'hui, 3e épisode, on est en Bretagne. Moi, j'ai l'impression quand même d'avoir la possibilité d'être observé dans la boîte, et donc c'est pour ça que ça m'inhibe. Et c'est pour ça que je danse dans ma cuisine. Vous vous foutez de ma gueule. Mais moi, je danse comme je le sens. What do you say? What do you see when you wake up every morning and you see me in the mirror? Allô, Dani, on va vous transformer un peu en vente. Parce que ça vous amuse. En femme archi sophistiquée. They don't talk to them. They're awful. Night Fever. It's the worst magazine. On a 16 ans. C'est l'été, on somnole sur le sable et on ne pense qu'à ça. À ce moment où on va sortir, une fois le dîner terminé, une fois les fermetures éclairs des tentes bien tirées, il suffit d'attendre que tout le monde dorme. Se glisser dehors et marcher dans la nuit, dans l'excitation de retrouver les autres. Entendre la musique au loin, les clameurs, entrer dans la salle sombre qui sent la cigarette, l'alcool et la sueur, et danser jusqu'à l'aube. Jusqu'à la fermeture qui serre le cœur. Et puis rentrer, voir le jour qui se lève, ne croiser personne, se glisser dans la tente et se dire que le soir même, tout recommencera. Are you ready? Here is the jingle track. Are you ready? Bienvenue en plein cœur de la musique. Alors oui, ça c'est l'enseigne du Memphis, oui. Eric. Alors mon père a créé ça, oui, il y a 50 ans, donc ce jaune et noir, parce qu'il adorait les couleurs des guêpes ou des abeilles, jaune et noir. Il trouvait que c'était très chouette pour une devanture. Et donc comme on était très mal placés, il avait fait un effort énorme. Donc elle fait très américaine, très Las Vegas, enfin, comme dans les saloons, vous savez, la lettre américaine. Alors on rentre. Nous dansons ce soir à Brest pour l'association cycliste de Milizac, une petite commune tout à côté de Brest. Et nous sommes toujours en compagnie de Roger Maguer. Nous retrouvons maintenant Trie-sur-Baïse dans les Hautes-Pyrénées, l'orchestre de René Colle et Jean-François Eclé. J'étais musicien, j'étais accordéoniste, et j'ai monté un orchestre, j'ai beaucoup travaillé. À une époque, je faisais jusqu'à 250 balles. Par an. Henri Le Béchenet. C'était un des orchestres qui travaillait le plus en France. Il s'appelait Jacques Thierry. Tout simplement parce que tous les orchestres se prénommaient Jacques CK, quoi, pour faire plus anglais, et ça a marché super. Alors, j'ai joué dans la moitié de la France, hein, enfin, dans tout l'ouest de la France. Oui. Je me rappelle très bien, j'avais un client qui me prenait 56 orchestres par an. Et à côté de son établissement, il y a un jeune qui a monté dans une ferme, il a mis des platines, enfin voilà, une discothèque si vous voulez, et j'ai senti que la clientèle allait vers là-bas, et j'ai bien senti que c'était la fin des balles. Ça a mis beaucoup plus de temps, mais voyant ça, moi j'étais quand même assez jeune, je me suis dit c'est fini les balles, je vais monter une discothèque. Voilà ce qui s'est produit. C'était en 77-78. Samba fantastique. Et c'est toujours à Trie-sur-Baïse que nous dansons jusqu'à 2h. le sous-sol, vous empruntez un escalier en colimaçon. Alors, il y a une tapisserie, c'est de la moquette anglaise de l'époque, qu'on n'a pas changée, qui était d'une qualité exceptionnelle, que mon père avait acheté à prix d'or. C'était la grande mode dans ces années 60. Elle est d'origine, et vous voyez, elle n'a pas du tout bougé. Qualité fantastique. Elle est un peu dans les rouges et noirs aussi. Oui, rouge et noir. Alors donc on va arriver dans la salle, la deuxième salle où on peut danser. Bah c'est bon. Ah mais dans le noir. Oui. Ça a l'air un peu poche, hein. L'idée était partie de faire un moulin, un grand moulin, et avec une longère à côté. Pour la décoration, j'ai pris la boîte qui était la première en France, c'est TVS de Lorient. C'est des gens vraiment très compétents pour l'époque et qui étaient vraiment dans le coup des discothèques. C'est la plus grande piste de danse circulaire électronique qu'a fait TVS. Ouais, ouais. Ça a excité les gens pour danser, c'était super. Ah, c'est une piste qui est éclairée par le sol, si vous voulez. C'est fabuleux. Alors, il y avait toutes sortes de dessins. Je me rappelle les ailes du moulin, les vagues, et on pouvait mélanger tous ces effets. C'était fabuleux. Hein. You are the sunshine of my life. Voilà. Je vous ai allumé quelques lumières. Alors, la salle du sous-sol, c'est tout à fait particulier. C'est le sous-marin de Jules Verne, le Nautilus. Alors toujours ce côté rétro, évidemment, ce tube en acier qui représente ce sous-marin avec tous ses rivets en laiton, tout ça c'est de la décoration un petit peu à la Eiffel avec ses gros rivets. Voilà, et toujours un petit peu, toujours laqué noir, toujours dans le même style évidemment que la salle du rez-de-chaussée. Les banquettes panthères. Mais les banquettes panthères avec les glaces en laiton, avec les miroirs vieillis. Au bout du tube, il y a une espèce de, alors de grand hublot. C'est la cabine disquaire, donc là où officie le DJ. Donc il y a une espèce de grand hublot en laiton et donc le disque jockey est là avec ses deux platines et sa table de mixage et toutes ses commandes, tous ses interrupteurs ou boutons pour l'animation lumineuse qu'il a aussi est très riche. C'est donc, une boule qui tourne sur elle-même. Ça c'est une boule qui tourne sur elle-même, les couleurs des projecteurs varient, la vitesse de la boule varie, la rotation de la boule varie. Donc c'est la base, c'est la lumière noire, oui. Dans la composition du tableau qu'on essaie de faire tous les soirs, c'est le fond. Ça ressemblait à quoi le menhir ? C'était une boîte qui était souterraine. Il y a deux messieurs qui sont passés, Tassin électronique qui vendait des sonos, et puis il y avait André Naud de Lorient qui lui ont proposé de mettre une sono. Georges Pérez. Non, au départ, c'était une toute petite sono de rien du tout, de platine, une table de mixage, un micro, et puis voilà, on passait des disques, et après, il a commencé à faire des soirées, puis c'était parti. Comme d'habitude, moi, les cassettes. Il y a plein de techniciens, les cassettes, ils ne marchent pas. Au départ, les discothèques, c'était quand même les gens un peu plus bourgeois qu'aller en discothèque. Hein. Un petit peu, ouais, plus bourgeois. On faisait tout pour que ce soit un peu comme ça, quoi. Je te propose pour commencer un petit rap écrit de ma main. Tony. Eh, merci, mon Seigneur. Un après-midi, le disque jockey m'a demandé de le remplacer à la sono. Et je l'ai remplacé à la sono. Et puis, l'ambiance a changé dans l'établissement. Et c'est comme ça que je suis devenu disque jockey le soir même. S'il vous plaît, Mr. DJ. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Good night. Bienvenue ce soir dans ce palace musical. Et j'ai passé n'importe quoi, du Carlos, Andy Cordy, des trucs comme ça. Et puis c'était la danse, et puis c'était des danses du tapis, le dire la dada au menhir à Plozevet, ce dimanche après-midi où j'ai passé cette chanson. Et puis le patron du menhir, Jean Campion, a commencé à jeter des serviettes sur la piste et tout le monde faisait la chenille, vous voyez. Mais moi, je n'ai jamais été un vrai disque jockey parce que moi, ma musique se limitait à Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Dick Rivers. Et je ne connaissais rien dans la musique. Ah, maintenant, c'est ça qui part plus. Attendez, ça y est. On va essayer tout doucement. Vous pouvez taper des mains un petit peu comme ça, sympa, cool, tranquille. C'est un truc que j'écris pour les gens qui vont en discothèque tous les week-ends. Micro, viens par là, merci, sympa. Attention les seigneurs, tenez-vous prêts, on y va. La première fois que je suis sorti, ça devait être avec mon frère dans le Lot-et-Garonne. Didier Lestrade. Dans les années 70. C'était une sorte de club, comme il y en avait beaucoup dans les campagnes à l'époque, avec beaucoup de monde. Un club hétéro, bien sûr. Et puis, il y avait un côté péjoratif dans ces clubs aussi, qui s'appelait tout le why not, le pourquoi pas, le macumba. Bon, les années 70, c'était déjà l'époque du disco, donc il y avait quand même des trucs qui étaient bien, mais c'était quand même beaucoup plus la musique provinciale, c'était la musique du top 50, enfin, il y avait trop de mélange. Et je crois que c'était vraiment une période où même les gens qui allaient dans les clubs savaient que la musique était secondaire. Et puis il y a un truc qui me tuait, moi, c'était toujours une période dans la nuit où il y avait des slow ou des trucs pires que ça, la danse du mouchoir ou je sais pas quoi. C'était en miroir, en fait, tout ce que j'aimais pas. Le côté bourgeois, les tables réservées, les bouteilles, tout un cérémonial que je trouvais pas sexy, quoi. Vous dites que c'était une sorte de rite initiatique. Ben, le fait de boire trop la première fois, de dégueuler, et puis je sortais avec mon frère hétéro, c'était pas souvent, donc c'était une manière de me sortir parce qu'il considérait que j'avais l'âge. En tant que gay, à l'époque, en plus, j'étais pas vraiment le plus épanoui. Et donc, ces sorties pour moi me renvoyaient à ça, quoi. J'étais vraiment minoritaire. Ça y est, tu es rentré. Toutes les lumières sont allumées. Le DJ va commencer. Et la soirée va assurer. Moi, je me trouvais bien là-dedans. Ces histoires de lumière de enchaînées, là, quoi. On pouvait changer l'harmonie de la boîte entièrement. Parce que, vous savez, les couleurs chaudes, les couleurs froides, etc. C'était ça, c'est cette. Je n'ai jamais eu de fumée. Mais de toute façon, les gens fumaient, donc il n'y avait pas besoin d'avoir des... C'était encore mieux, je trouve, hein. C'est vrai. Hein. C'était une ambiance, ouais. C'était très chouette, ouais. Alors, on avait beaucoup de lumière noire. Attention pour les femmes, parce que... Bon, il y a les soutiens-gorge. Il faut se rappeler qu'à l'époque, ben moi, j'avais mon petit podium devant ma sono, et je montais sur mon petit podium, et avec mon tambourin, et puis ça y allait. Hein. C'était la fête. C'était chouette. Tu n'as jamais dansé. Par moments, j'étais obligé d'arrêter des séries comme ça pour que le bar travaille. Parce que les gens étaient tous sur la piste et puis personne consommait. Donc, hop, on était parti sur une série de slow. Les gens quittaient la piste, ils allaient consommer. Mais il y avait toutes sortes de combines. Moi, je sais que sur des morceaux qui ne marchaient pas trop, je m'arrangeais pendant l'été. Il y avait des jeunes pour remplir la boîte, on a tous fait ça, qui ne payaient pas, quoi. Mais il y a une condition. Si la piste, il y avait moins de monde sur la piste, eux, tout de suite, ils y allaient. C'est du métier, quoi. Voilà, alors, hop, ils remettaient l'ambiance. Il y a des conventions, quoi. Et il y avait quoi d'autre comme petite ruse comme ça, justement? Ah, bah, ça, principalement. J'ai pas honte à le dire, j'avais acheté plusieurs voitures. Le vendredi, c'était difficile, des fois, le vendredi, l'hiver. Et donc, j'avais acheté plusieurs voitures, je les mettais, et puis au fur et à mesure que les clients. Venait, bah, j'enlevais les voitures. Parce que s'ils voyaient que deux ou trois voitures sur un parking, ils partaient. Les gens ne rentraient pas. Ouais. Abandonnée, heureuse, tu as toute la nuit pour en être amoureuse. Je suis mal dans ma peau. 1h45 ce matin, la forêt de Saint-Laurent-du-Pont résonne des flanflans du nouvel orchestre Les Storms, venu tout spécialement au Dancing 5-7 pour le bal du samedi soir. Dans le bâtiment à un étage, il y a encore entre 150 et 200 jeunes gens et jeunes filles qui s'en donnent à cœur joie. Soudain, un court-circuit, les guirlandes en papier, les décors en plastique s'embrasent en une seconde, les danseurs du premier étage se précipitent à travers la fumée vers les issues de secours, il y en a quatre, mais toutes sont fermées à clé. Certains meubles étaient faits en carton, et cela n'était pas ignifugé. Il y a ces fameuses parois de plastique. Le plafond en était tapissé, le feu aurait pris à l'étage, aurait gagné tout de suite ses plafonds et bien entendu tout de suite ce serait communiqué à l'ensemble du labyrinthe, aurait dévalé en une langue de feu au rez-de-chaussée. Ça a été à ce moment-là le drame. En moins d'une minute, 65 à 80 jeunes gens et jeunes filles sont morts carbonisés derrière des portes fermées et qu'ils ont vainement frappé de leurs poings. S'il n'y avait pas eu les 146 morts à Grenoble, là, du côté de Grenoble, peut-être qu'il y en aurait eu beaucoup plus quelques temps après parce que les discothèques n'étaient pas aux normes. les matériaux utilisés, c'était n'importe quoi. Jean Campion, il avait mis du tissu au plafond. Si ça avait cramé, ben c'est toute la boîte qui cramait aussi. Donc voilà. Bien sûr, le préfet, les pompiers, tout le monde est venu. Et bon, il fallait se mettre aux normes. Donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits assez rapidement, dans la semaine. Ça a été un drame effroyable qui avait touché. Je me souviens, j'étais enfant. C'était terrible parce que mon père savait que les commissions de sécurité seraient encore plus sévères. Alors, je suis responsable de... Et c'est pas un petit mot de la sécurité des gens. Et je sais pertinemment que s'il y avait un malheur, comme ça s'était passé au 5-7, ben je peux me retrouver en prison. Et c'est tout à fait normal, on est quand même responsable de tout ça. Comme une parenthèse, une pause, une trêve, un vide où je me noie. Vous êtes combien, mademoiselle? Vous voulez attendre quelqu'un? Oh, je peux venir. Vous êtes combien en tout? 1, 2 et 3. Donc 10 euros si vous voulez terminer votre cigarette ou bien un cendrier, vous pourrez la déguster à loisir. Ok. Je te rappelle que t'as pas voulu nous laisser une porte. Tu m'as dit, toi, t'as vraiment pas la tête de refuser. Tu pas accompagné, peut-être. Tu m'as dit, t'as vraiment pas la tête de refuser, toi. Avancez là. Mon père m'a toujours dit, ne fais pas ce sale métier, parce qu'il y a de très mauvais côtés, nous sommes pris pour des parias. Ce n'est pas très honorifique, donc ce n'est qu'après, pendant cette année de service national comme médecin aspirant, où je n'ai pas voulu abandonner, mon père aurait vendu ce fonds de commerce, mais moi je suis viscéralement attaché à cette maison, donc je n'ai pas voulu, je dis non, je vais reprendre la direction de cette maison. Donc cette maison dans laquelle je suis né, où je jouais à la voiture à pédale ou au patin roulette sur la piste de danse, qui était mon dérivatif, même en étant collégien ou lycéen, où très rapidement je m'occupais des commandes des ampoules, des boissons sans alcool, avec alcool, de tout ce qui est technique, de tout ce qui est sonorisation, de tout ce qui est vidéo, puisqu'on a connu une époque dans les années 80 où on passait des vidéoclips qui était à l'époque unique à Paris, oui. On avait des moniteurs Sony. Et vous y alliez danser aussi, vous, au Memphis? Non, jamais. Par contre, mon père m'obligeait, quand j'étais très jeune, quand j'avais 18, 19, 20 ans, et ça m'était un peu pénible, mais je le faisais pour la maison, de faire des tours d'espionnage dans d'autres discothèques, voir pourquoi que tel établissement marchait très fort. Et vous avez été où alors, espionné? Oh là, dans multiples endroits. Et même parfois dans des endroits... qui n'avait pas du tout notre clientèle. Il y avait ce fameux 7 rue Sainte-Anne, parce que ce fameux 7 avait fait fureur, et il faut bien reconnaître que cette clientèle homosexuelle, avec le patron qui s'appelait Monsieur Maire, qui avait créé le palace bien après, en 78, donc dans ces années 70, ils avaient une longueur d'avance. Je me souviens que lors d'un tour d'espionnage que mon père avait fait au 7, mon père a dit à son sonorisateur, je veux absolument, comme au 7, des platines à vitesse variable. Je veux une sonorisation américaine avec des amplis électroniques. Tell me why, tell me why. Je suis arrivé à Paris, j'avais 19 ans. Donc la rue Sainte-Anne était vraiment le centre un peu des clubs gays de l'époque. Il y avait plusieurs clubs vraiment pratiquement mitoyens qui avaient chacun un style et une clientèle différente. Donc moi, comme j'étais très jeune, j'allais aux Colonies, qui était le club des jeunes gays de cette époque-là, qui écoutaient un peu de la New Wave, des Pêche Mode, tout ça. Et puis juste en bas, il y avait le Pimps, qui était un club pour gays plus âgés, 30, enfin ce qu'on appelait à l'époque les clones, quoi, les mecs moustachus, barbus. Et puis il y avait le 7, qui était vraiment le joli club où tout le monde voulait rentrer, mais où il y avait quand même un tri à l'entrée qui était assez strict. Là, j'étais impressionné. Qu'il y avait un restaurant au rez-de-chaussée qui était sublimement bon, où il y avait la terre entière. Ne me dites pas qu'il y a deux femmes en moi. Mais la terre entière. J'ai vu là passer le roi de Suède, Claudia Cardinal. Je pense qu'il y a deux femmes en moi, mais... Catherine Eve, qu'on avait la femme, qu'on avait tourné ensemble. En portant un pantalon, une femme peut développer son maximum de féminité. Saint-Laurent. Yves Saint Laurent et Pierre Berger, André Oliver et Pierre Cardin, Jeanne Moreau, une constellation de stars. Guy Cuevas. Plus de gens qui ont laissé rentrer aussi, parce qu'ils étaient beaux, parce qu'ils présentaient bien, parce qu'il faut se rincer l'œil, comme disait Fabrice, notre patron. Il faut que la bourgeoise ou le PD, faut que tout le monde se rince l'œil, même les mecs. Si possible que les gens qu'on laisse rentrer soient beaux. Les filles, les garçons, etc. Les gigs, les manicures, les ouvriers. S'ils avaient un joli sourire à l'entrée, un bon look, un bon esprit, qu'on sentait quelque chose, on leur offrait le même de verre. You shaved. Just put it that way, you shaved. Moi, c'était un club qui m'intéressait autant pour le fait d'avoir enfin un endroit esthétiquement pensé pour le clubbing, avec des gens quand même qui représentaient une sorte de jet set international, et puis la qualité de la musique. C'est-à-dire que si on voulait, c'est ce que je faisais, je dansais toute la nuit. Et surtout, ce plafond de néon était magnifique quand il y avait un morceau qui était vraiment le morceau qui marchait très fort à ce moment-là. Tout d'un coup, tout le volume de l'électricité passait dans les néons, et les néons, au lieu de clignoter d'une couleur différente, carrément aveuglaient les gens, comme pour souligner, ça c'est un tube, ça c'est le morceau que le DJ aime. Le set était vraiment une sorte de lien entre ce qui se passait à New York, ce qui se passait à Londres. She's here. Les premières boîtes de nuit sont surtout ce qu'on appelle les Pipers en Italie, Audrey Techman, qui apparaissent à un moment où on fait vraiment de la recherche sur ces espèces d'espaces expérimentaux, de dispositifs technologiques agrémentés d'un design très particulier qui met en avant notamment les matériaux contemporains comme le plastique. Ce sont les années 70 qui voient vraiment se populariser ce dispositif. Notamment dans l'ère américaine et dans l'ère new-yorkaise, il s'agit d'un espace autonome préservé qui permet à des communautés parfois minoritaires ou parfois objets d'exaction, comme les LGBT, les Noirs, etc., de se retrouver dans un espace où tout d'un coup toutes les distinctions sont absentes et où c'est le règne de la fête, le règne d'un ailleurs. L'ère disco, c'est 77-79, c'est après le lancement du film Saturday Night Fever qui rend cette culture très populaire mais qui la rend aussi obsolescente très rapidement. C'est suite à ça que Bill Bernstein parcourt ces clubs et voit à quel point il y a tout d'un coup un arasement de toutes les différenciations sociales, de toutes les différenciations sexuelles, etc. Et tout d'un coup, on entre dans un espace politisé ou dépolitisé, où les problématiques de l'extérieur disparaissent au profit de nouveaux enjeux qui sont ceux de l'intégration. Yeah. You mean yeah? Well, I mean like a dance music, but you know, you're not my dream girl, nothing like that. You want a dream girl? Well, then go to sleep and have a nightmare. Hello again, this is beautiful Monty, your delicious DJ. Remind you about the universal playoff sweepstakes, so get in line to get the prize. C'est-à-dire, on voyait, on était vu. Bill Bernstein a beaucoup documenté cet espace et il montre à quel point les corps avaient un enjeu de virtuosité, de total oubli de ce qui se passait à la surface. Et cet espace qui conquérait un ancien espace et une autre fonction, qui était celle du théâtre, substituait à la scène une piste de danse. Et est-ce que c'est important, justement, Audrey Techman, cette notion souterraine? Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la discothèque, pour être moins bruyant, mais c'est vrai que c'est souvent un endroit auquel on accède par un escalier qui descend et qui a cette espèce de rituel de la plongée dans les souterrains pour aller dans la boîte de nuit. C'est toute cette symbolique de lieux intestins par lesquels on entre par des escaliers dans lesquels on descend et qui permet d'être hors du champ du regard. On a cet enjeu d'aller vers quelque part qui nous amène loin de tous les enjeux parfois très figés des sociétés qui affleurent le jour. Et c'est aussi aller dans la nuit, aller dans cette espèce d'obscurité très symbolique qui permet de créer même des actes cachés parfois. Ensuite, en bas, quand on descendait, on sentait tout de suite qu'il y avait une pensée, une idée, qu'il y avait quelqu'un qui réfléchissait derrière la tête. Il ne s'agissait pas simplement d'un limonadier qui voulait gagner de l'argent en vendant des verres, c'était extrêmement beau, extrêmement déjà artistique. Le son était génial. Voilà, pour le coup, j'ai eu pour la première fois un budget pour acheter même des disques. Donc, ce qui était complètement nouveau pour moi, parce que visiblement, l'endroit marchait. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais me lâcher complètement musique dansante. Alors là, je suis allé à fond dans le côté Tamla Motown, la musique noire américaine, plein de choses comme ça. Et encore une fois, me mélange à moi. Et j'ai rajouté des bruitages, ou des chants d'oiseaux, ou européens, parce que c'est plus doux, européens, ou alors carrément les Brésiliens qui sont... Les oiseaux dans la forêt qui sont... Voilà, par-dessus la musique, pour plus fort, moins fort, tout à l'oreille. Hein. Parce que, alors, il faut le répéter, pardon de le répéter, mais j'ai travaillé sans casque. Bien sûr, Guy Cueva, c'était... un DJ latino que moi j'ai jamais osé aborder parce que je considérais que c'était une divinité, donc je savais qu'il avait un certain caractère et tout ça, mais il y avait déjà cette envie de savoir ce qu'il jouait. Il y avait une toute petite lucarne entre sa cabine et le dance floor, et des fois si on se penchait on pouvait regarder quel disque il passait. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies? Oui, très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui. Je suis par la suite, il y avait des gens qui me regardaient beaucoup, qui me draguaient beaucoup, qui se plantaient devant moi pour me draguer, je ne voyais rien. J'étais tellement omnibulé par mon boulot. C'est une histoire d'amour. Vous ne mettez pas un casque pour faire l'amour. Donc c'est pareil, hein. Moi je voulais sentir la même chose, les réactions. Encore plus maintenant, comme je suis devenu aveugle, je le sais, qu'on a des antennes, on ressent si ça bande, si ça répond ou pas. On ressent aussi quand les gens s'emmerdent. Donc on a besoin de tout ça justement pour changer de cap, pour faire comme un amour. On change de vitesse, etc. Donc c'était inconcevable pour moi d'avoir un casque. Inconcevable. D'ailleurs, dans la dernière version du set, il m'avait fait une estrade quand même. Hein? Parce qu'il avait déjà, avant tout le monde, il avait compris que le jockey doit être en vue, que je dois voir la salle, qu'on doit me voir vue pour profiter du personnage. Arrivé à signer des autographes à l'époque, quand j'étais jeune, quand j'étais disque jockey, mettre de l'ambiance, ça me plaisait énormément. Et puis un jour, on a un disque jockey dans les années 72-73 qui est passé et qui s'appelait Jean-Michel Stewart, un monsieur qui travaillait à Sud Radio. Et il a décidé de faire le disque jockey dans toutes les discothèques de France, donc il tournait dans toute la France. Et la première fois qu'il est passé, bien sûr, il est arrivé avec son podium, avec tous ses jeux de lumière, avec une sono extraordinaire, puissance 10 fois la note. Et puis, dans la nuit, comme ça, le propriétaire a été noté les numéros des amplis, les jeux de lumière, tout ce qu'avait ce monsieur-là. Et puis, je vous prie de croire que je suis arrivé le samedi soir, ma sono avait complètement changé. Il y avait des jeux de lumière partout, j'avais une platine supplémentaire, or que je travaillais qu'avec 2 platines. Et d'un seul coup, je me suis trouvé avec une 3e platine, vous voyez. Il y avait des lasers, il y avait des appareils à bulles, vous voyez, des boules à facettes avec les projecteurs. Au bénir, tout a changé. Et après, c'est devenu la discothèque connue de l'époque. Everybody, come on, come on. I don't see a plan over our shoulders. Ah, ils sont super par là. Attention, on se part un petit peu comme ça, on se met dans l'ambiance. Écoute les décibels qui caressent. Il a fallu la venue de Jean-Michel Siward pour que tout le monde se mette à parler dans un micro. Et c'est lui qui a tout bouleversé, parler dans un micro. Chose qu'on ne faisait pas, nous, à cette époque-là. Et n'oubliez pas de taper dans les mains, surtout. C'est ça quand l'ambiance se fait. Ah, ouais, ouais. Voici un titre bien classé par Bruno du Manoir à Bailleul. Daniel du Macumba à Saint-Julien-Genevois. Franck du Disco Alex Club à Lisieux. Et 22e au hit des clubs d'interdance, You Can Lead Me de Firefly. Et mon visage. Aussi. Je rêvais la nuit. Tout d'un coup, je rêvais un mix d'une idée encore nouvelle. J'ai commencé à mettre des bouts de dialogue. Des bouts de dialogue. Vous voyez, dans ma musique, j'ai commencé à mettre Brigitte Bardot. Et mes fesses, Paul, tu aimes mes fesses dans les mépris de Godard. Des petits bouts, mais ça surprenait tout le monde. Ça, tout le monde riait aux éclats, mais c'est ce que je voulais, surprendre comme ça. J'ai commencé à mettre aussi, alors c'était mon idée, mais à répliquer dans l'UNA des discours de Fidel Castro, qui avait une voix tonitruante que tout le monde connaît. Cuba si! America no! Cette voix reconnaissable entre mille. Mais j'ai commencé à la mixer par-dessus, vous voyez? La folie complète. J'étais obsédé, c'est pour ça que je n'ai jamais eu d'histoire d'amour. On pouvait avoir beaucoup de sexe, hein? Mais histoire d'amour, comme les gens les entendent, non, je ne me suis jamais encombré de ça. Nous, on carburait au champagne, à la cocaïne. Et voici encore les grands vainqueurs de la semaine, le numéro 1, Imagination. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont en fin du 30e et on les retrouve avec Music and Light en première position, Imagination. Bon, je ne sais pas si j'ai une oreille musicale, mais je savais ce qui allait marcher et ce qui n'allait pas marcher. Et puis les disques, on les recevait des maisons de disques de Paris, bien sûr, Phonogramme, Barclay, des trucs comme ça. J'ai même été invité chez Eddie Barclay. Et puis on faisait la tournée des maisons de disques, bon, on se présentait, et puis après on recevait tous les disques. Bon, je les écoutais, ceux que je ne passais pas, hop, je jetais au public, voilà, je faisais des cadeaux. Allez, des disques. J'allais en boîte pour danser. J'y allais bien sûr pour draguer, mais je dansais beaucoup plus que je draguais. C'est-à-dire la musique au Palace, par exemple, était tellement bonne que c'était des fois vers 5h du matin, quand le club commençait à se vider, que je me disais, là quand même, ce serait bien de commencer à draguer. Quoi. Je crois qu'il y a autant de plaisir dans la danse que dans le sexe. C'est très difficile de dire un truc pareil, mais je crois que c'est le même épuisement, c'est le même plaisir d'être proche des gens et tout ça. On peut casser le rythme aussi pour carrément arrêter de danser et s'embrasser, des trucs comme ça, ou se tenir et tout. Bien sûr, les beaux couples qui savent vraiment bien danser ensemble, c'est quelque chose de très sexy. C'est l'illustration de ce qui se passe dans le sexe, mais pas forcément. Le corps est mis en scène, il est mis en jeu, en permanence dans la boîte de nuit, parce qu'on lui permet de se déployer vraiment à sa guise. Il a tout un dispositif qui lui permet de ressentir du plaisir de manière démultipliée. Donc dans l'étude de Paul Estève, il dit voilà, l'action combinée des psychotropes, de la lumière et du son permet une transe, permet vraiment une espèce de moment d'altérité à soi-même où l'on sort des contingences physiques du dehors. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'à l'époque, dans la fête nocturne de New York dans les années 70, il fallait plusieurs jours pour se remettre de cette espèce de nuée qui assaillait le corps et les danseurs. C'est-à-dire que oui, tout d'un coup, on est dans autre chose que soi-même. En fait, on est dans un ailleurs fantasmé. Donc c'est pour ça aussi que les noms des boîtes de nuit, notamment l'Altro Mondo, qui est une des premières boîtes de nuit en Italie, l'Autre Monde, sont très significatifs, très symboliques. Ah, il y avait le Menhir, il y avait le Moulin, il y avait le Tanagra, il y avait le Pimps, le Blue Night, le Panty, la Casbah, la Chaumière, ouais, le Moulin, le Moulin de Rosmadec. Tiens, j'en parlais avec Vincent, il y avait le Moulin de Rosmadec. On est préservé aussi parce qu'on est dans un lieu qui est la plupart du temps sombre et où les flashs de la lumière ne révèlent que par instants ce qui s'y passe. Et cet environnement nocturne est par définition un environnement préservé, d'où aussi toute l'esthétique des backrooms, parce qu'il permettait d'être complètement à l'abri des regards et du jugement des gens de l'extérieur. Si vous voulez, on allait en boîte, c'était pour trouver des filles. Et s'il n'y avait pas de slow, eh ben, on ne trouvait pas de filles, quoi. Parce que chez nous, ça draguait, mais ça faisait l'amour. Ça faisait l'amour sur la plage, ça faisait l'amour dans l'herbe, ça faisait l'amour dans les voitures. Ça se passait comme ça. Même moi, j'ai trouvé des filles comme ça, mais pour moi, c'était beaucoup plus facile parce que j'étais disque jockey. Ah oui, le DJ a toujours beaucoup de succès. Disque jockey ou barman, hein. Pas à Harlem, ni même aux USA, mais tout simplement dans la proche banlieue parisienne. Une soirée à la main bleue en 1977. Dans ces 1500 mètres carrés de boîte de nuit éclairée au rayon laser, les travailleurs émigrés noirs viennent chercher leur unique évasion. Je m'en vois encore dans le centre commercial de la mairie de Montreuil. Il ouvre la porte, qui était une porte de secours, et crac, je vois le truc. Instantanément, je me suis dit, voilà, c'est là. 7 mètres de hauteur. Jean-Michel Moulac. Sur 50 mètres de long, 25 mètres de large. Donc un énorme cube gigantesque que Stark, que personne connaissait en 76, décore. On a fait une espèce de grand, une scène avec du tube Mills. Il y avait des danseuses qui dansaient dans l'échafaudage. Et il y avait un escalier pour descendre ? Bien sûr. Que Stark avait fait peindre en bleu, une espèce de bleu genre paquet de gitane. Après, il y avait la salle immense avec deux grandes pistes de danse. Tout le sol avait été fait à l'asphalte, comme les routes. Un très grand cercle jaune et un très grand cercle bleu. Et c'était de la résine, dure comme du fer. Et vous l'aviez décoré comment ? Peint en noir, point barre. Et le premier laser. C'était ça le décor. Parce que le laser, quand on l'allumait, il sortait. Il y avait ce qu'on appelait le réseau, c'est un petit appareil qui le divisait, donc il partait dans tous les sens comme des fils de lumière, sur lesquels on avait collé des petits miroirs. Quand on allumait le truc, les gens applaudissaient, c'était comme un spectacle. Mais le renvoi des rayons pouvait être mauvais pour la vue. Moi, c'est vrai qu'en le réglant, je me le suis pris dans le cou, là, paf, ça brûle direct. Hein. Je mettais ma cigarette, crac, elle s'allumait toute seule. I'm the son of a bitch. Il y avait une boule à facettes. Et les fumigènes, c'était les surveillants du lieu, qui étaient cinq. Qui avaient comme les mousquetaires, une espèce de tunique bleue avec une main que la vestiaire Madame Coville avait fait dans leur dos. Et tous africains. Et sur des plateaux, il y avait des fumigènes. Et ils traversaient la salle avec leur plateau et ils mettaient la fumée. Et crac, on allumait. Quand la fumée s'était un peu dispersée, on allumait le laser. La grande importance de la boule à facettes, c'est qu'elle est vraiment très symbolique de l'espace de la boîte de nuit, parce qu'elle crée un espace changeant sans cesse. On n'a pas une architecture qui est définie par le mur, par l'escalier, par la fenêtre, mais par un ensemble de sensations qui sont propres à créer du plaisir. Je voulais cette clientèle d'Africains, que j'ai été démarcher dans les foyers, à Montreuil, les trucs de la Sonacotra, etc., etc. Et ils venaient danser là, mais ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient 200, 300. Et c'est Anne Chabrol, qui, rédactrice en chef du Matin de Paris, qui était le journal le plus lu à l'époque, en 1976, elle fait la page centrale du Matin, Harlem sur scène. En 15 jours, plein de gens débarquent et ça devient à la mode. Et puis... C'était pour nous, Blancs, une expédition. Hein, d'abord... Il fallait à Montreuil, à l'époque quand même, bon, le métro était dangereux, hein. En tant que gay, on se faisait taper sur la gueule tout le temps, mais rentrer à la main bleue, c'était vraiment the real thing. C'était pas exclusivement noir, mais la musique était clairement funky. J'aurais voulu aller plus souvent. Que de la musique africaine, formidable. Ah, il n'y avait pas un gramme de disco. Moi, quand un soir, j'ai remplacé... Je leur ai mis Claude François. Ils m'ont tiré leurs canettes, là, les fameuses canettes en inox. Là, Paf, ils me tiraient ça d'en bas. C'était incroyable. Ça passait pas du tout. Ouais. C'était gratuit pour les filles avant minuit, donc on allait plutôt dans ces boîtes-là. Quoi. Josie, Jean-Louis. Autour de Montparnasse, je sais pas, il y en avait aussi à Place Clichy. C'était très clivé à l'époque. Hein. Moi, j'avais des copines qui étaient blanches. Moi, je rentrais pas dans les boîtes de nuit. Elles rentraient toutes. Moi, je restais dehors. Donc, j'allais que dans les boîtes de black. C'était les années, fin des années 70. Donc, il y avait beaucoup d'Antillais. Il y avait beaucoup de... Mais c'était les beurs aussi. Ils adoraient la funk. Donc, ça a donné IAM. Ça a donné tous ces gens qui aimaient bien le R&B et tout. Donc, c'était vraiment la culture... Ah, je me suis payé des barres de rire là-bas. Avec les Africains, des frisés à la James Brown, avec les premiers défrisages, les cheveux en pétard, des pompes. Là, franchement, c'était bien. Et on faisait des concours de danse là-bas. Descendait le micro juste au-dessus du dance floor. Et là, on mesurait la claque. Donc plus on avait de potes et plus on avait de chance de faire le voyage à New York. Mais depuis quelques semaines déjà, les Noirs ne sont plus seuls. Les noctambules parisiens se précipitent, colonisent. On cherche des sensations. Si l'on pouvait s'en canailler. Quand les mondains ont débarqué, les Africains, ils sont partis. Et vous avez regretté ça ? Les Africains ? Oui, le départ, que ça reste pas mélangé finalement. J'ai regretté, non, parce que j'étais content que la recette augmente, parce que j'étais très endetté, donc j'étais ravi qu'il y ait cette vague de clients. Et quand justement tous ces mondains sont arrivés à la main bleue, ça a vraiment changé, c'est-à-dire que les autres venaient plus ? Il n'y avait pas moyen bah moins, de... Ils venaient pour voir les blacks danser. Ils venaient s'en canailler Ouais, à Montreuil, qui était une destination un peu dangereuse, entre guillemets. Vous avez 200 ou 300 Africains et qu'il y a 1000 blancs qui viennent pour regarder. À mon avis, ils n'ont pas tellement apprécié, parce qu'ils se sont éparpillés. Hein. Très rapidement, il n'y a plus que des blancs. Mais là, main bleue, c'était... la plus moderne des discothèques, et ça reste aujourd'hui, 40 ans après, inégalé. Parce que le Palace, qui a ouvert parce qu'il y a eu la main bleue. Si vous rencontrez Michel Foucault et Roland Barthes, vous dites que vous vous exposez à des rencontres fulgurantes en allant dans des endroits comme ça. Mais ce que j'appelle des endroits comme ça, c'est, il y en a eu qu'un, c'était le Palace. Le Palace était plus grand que les 54. Bien plus grand, un vrai théâtre. Moi, j'ai été plus qu'impressionné. Pas seulement les 454, mais les garages, d'autres boîtes à New York. On avait le droit à laisser rentrer 1500 personnes et à laisser rentrer jusqu'à 3100. Il y avait la mezzanine, il y avait un sous-sol déjà. On a gardé l'idée des loges aussi pour contempler le spectacle. Parce que c'était un vrai spectacle. On s'est dit, on va faire du théâtre. On s'est pris pour des metteurs en fête. Il y avait des films porno, mais des années 20, en accéléré, en blanc et noir, un tout petit écran au milieu de l'écran blanc, comme ça. Il y avait des photos énormes, déjà, avec tous les gens, faites par Pierre et Gilles. Parce qu'on a compris que les gens sont narcissiques. Il y avait un laser ? Bien sûr. C'est le début de ma cécité, d'ailleurs, le laser. Andy Warhol, tu es à Paris quelques jours. Que penses-tu de la nouvelle décoration du sous-sol du Palace ? Here is the microphone. Okay. So, I love the new decoration of the basement of the palace. J'aime la nouvelle décoration du sous-sol du palace. On appelle ce lieu le privilège. C'est fantastique. Howard pense que c'est un endroit génial également. C'est la première nuit qu'il passe à Paris. Pour moi, le vrai symbole du passage du clubbing à Paris à la fin des années 70, c'est justement quitter le 7, qui était quand même un restaurant avec une cave, et puis d'aller dans un théâtre ou d'aller dans un endroit qui était grand. J'aimais le côté prestigieux de rentrer un peu dans quelque chose qui ressemble à, je sais pas, une église, un temple. Très vite, à force d'y aller, j'ai réalisé qu'il y avait une certaine carte sociale dans un club. Il y avait une répartition qui se faisait souvent toute seule. Moi, je me rappelle avoir fait un dessin où il y avait les différentes cliques qui se répartissaient. Donc, au milieu, il y avait le gros du club où c'était un peu une sorte de melting pot. Je me rappelle, un peu à droite, c'était les jeunes, un peu romantiques, tout ça. À gauche, dans un coin, à côté des enceintes, il y avait les quelques noirs et arabes qui étaient admis dans le club. Et sur les gradins, il y avait ce qu'on appelait les gym queens, c'est-à-dire les mecs musclés, torse nu et tout ça. Bon, j'étais un peu gringalé, donc je pouvais pas me mettre avec les jean queens, même si je voulais. Mais je me mettais forcément dans un côté un peu sombre, où la musique était forte, où il y avait de la place pour danser, et où j'étais avec un peu les minoritaires du clubbing. C'est-à-dire, au Palace, il y avait toujours une dizaine de blacks qui étaient là, et j'ai toujours attiré par eux parce que d'abord je trouvais qu'ils dansaient bien et puis surtout parce que je réalisais que j'étais attiré sexuellement par eux. Et puis parce que je voyais très bien que de semaine en semaine, il y avait une entente. Et dès le début, en fait, j'avais cette sorte de rêve dont mes amis américains ou français qui vivaient aux États-Unis me parlaient, de cette mixité ethnique, de cette mixité raciale. Et dans les clubs aux États-Unis et surtout à New York, où il y avait vraiment un melting pot qui influençait la musique. Kenzo, et tu aimes sortir dans les boîtes, soir? Du coup, c'est maintenant un petit peu. Quelle boîte tu aimes aller? Celle du Palace. Tolio. Il faut voir aussi que le Palace, c'est avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, donc on est vraiment à un moment de basculement. Déjà, la société en a marre du système Giscard, de la droite au pouvoir et tout ça. Donc, le clubbing est déjà quelque chose qui est en train d'appeler un changement. Et on le voyait vraiment beaucoup dans les fêtes du Palace. Et les fêtes du Palace, qui sont des fêtes vénitiennes ou déguisées, sont les plus grandes parce qu'on y voit des mille sortes de brocards. Je m'étais fait les tricorons. Et avec les catogars, je m'étais fait des ailes de pigeon là, un jabot, une espèce de domino vénitien, en taffetas bordé de dentelle or, très très très large, il y a même des jupons en dessous, avec des chaussettes blanches et des chaussures de vernis noir avec une grosse boucle très 18e comme ça. Vous aviez, vous, des physionomistes à la main bleue? Oui, j'ai même essayé de le faire, ça, moi. C'est épouvantable comme truc. Hein. Juste sur l'impression que vous donne le visage de la personne qui est en face de vous, savoir si vous le laissez rentrer ou pas. Alors, à plus forte raison, s'il est noir ou arabe, parce qu'il est noir et arabe, il ne peut pas rentrer. C'est pas possible, ça. Vous ne faisiez pas ça, vous? Je ne l'ai pas fait pendant 25 ans, puis j'ai eu une fermeture administrative en 92. À la main jaune, pour trouble de l'ordre public, parce qu'il n'y avait aucune sélection à la porte. Et là, j'ai eu 3 mois de fermeture administrative pour trouble de l'ordre public. Quand j'étais à 15 jours de l'ouverture, j'ai dit, écoutez, je vais rouvrir dans 15 jours. Et là, il n'y a plus un black, plus un beurre qui rentre. Et le commissaire, M. Mathieu, qui était le commissaire du 17e à l'époque, avec lequel j'avais d'excellents rapports, m'avait dit, Jean-Michel, faites attention, parce que là, vous allez être taxé de racisme, ça va être fulgurant. Là, ils vont vous fermer pour le compte. Hein. Donc j'avais mis un Africain et un Algérien à la porte, et tout ce qui était pas blanc, ça rentrait pas. Et parallèlement, je démarchais toutes les mairies difficiles, Nanterre, Aubervilliers, toutes les mairies dures. Je contactais tous les centres de jeunes et les mercredis après-midi, je leur faisais un tarif préférentiel. J'avais 700 personnes tous les mercredis après-midi, que des blacks, que des beurs. Donc tous les commerçants qui m'avaient fait fermer, 3 mois, alors là, ils étaient bien emmerdés. C'est même pas une question d'époque, de rien du tout, c'est pas possible. Et justement, cette question de la sélection dans les clubs à cette époque-là, c'était parce qu'on a ce paradoxe des gens qui ont beaucoup fréquenté les nuits, qui disent c'est formidable, c'est un moment où tout le monde se mélange, les classes sociales disparaissent. Et en même temps, chaque fois qu'on parle avec quelqu'un qui tenait un club, ils disent ce qui est important, c'est la sélection, c'est la porte. Donc, comment vous viviez tous ces paradoxes-là? C'était frustrant, parce que quand même, quand on allait au Palace, il y avait tellement de monde à l'entrée qu'on n'était jamais assuré de pouvoir rentrer. Surtout pour des gens, encore une fois, qui n'avaient pas l'argent. Mais ce côté un peu injuste de « une fois on rentre, une fois on rentre pas », bien sûr donner de l'excitation, hein, dans l'appréhension, dans la préparation de sortir et tout ça. Mais quand même, la sélection au Palace, du moins au début, a été vraiment... C'est pour ça qu'elle a été tellement admirée. C'est qu'il y avait toujours un pourcentage de personnes sans le sou ou avec des gueules différentes ou d'un milieu social différent qui pouvaient rentrer. Fashion! Écoutez-moi, ne m'écoutez pas. Parlez avec moi, ne parlez pas avec moi. Dansez avec moi, ne dansez pas avec moi. Bip bip. Que tout le monde a cru que c'était facile, qu'il suffisait d'ouvrir et de mettre des disques et que les gens arrivaient et dansaient. Ça a été vrai 5 minutes, mais pas plus. Et puis les prix sont devenus fous en même temps que l'engouement pour le truc. 70 francs sans consommation, c'était cher, hein. Donc ils ont tué la poule aux œufs d'or, quelque part. Il y a 30 ans, on était 190 discothèques dans le Finistère. On était une des régions de France où il y avait le plus de discothèques après le Var. Et en l'espace de 30 ans, il y a 120 discothèques qui ont disparu. Il n'en reste plus qu'une 60aine dans le Finistère. Ouais. Et avant, il y avait des discothèques partout. Et puis, il y a une mode. Vous vous souvenez qu'en 78, 79, 80, il y avait de nombreux films américains qui étaient sortis sur le... Saturday Night Fever avec Travolta et la musique fantastique des Bee Gees a été une locomotive. On parlait de ces discothèques dans les années 80, mais elles se sont fait aussi un tort. C'est-à-dire, il y a des boîtes-usines qui se sont montées tout autour de Paris ou en province, immenses, qui pouvaient accueillir des milliers de clients. Mais quand il y a eu cette récession économique où les gens venaient moins, d'un seul coup, ces endroits qui étaient inhumains paraissaient déserts. Parce que même avec 100 ou 200 clients, ça paraissait vide. Mais en plus, ça s'est mélangé aussi avec le fait qu'on a commencé à voir un petit peu moins de monde. C'était un petit peu plus difficile. On a été obligé parce qu'il fallait quand même faire de l'argent. Donc on a commencé à laisser rentrer un peu plus de gens qui étaient moins entraînés à cette ambiance surprenante. Et puis il y a eu des petites choses aussi, il y a eu une travelotte qui a fait une overdose, tout ça ne va pas sans problème, hein. Il y a eu des petits soucis également. Guy Coyon, vous ne pensez pas aussi que c'est parce que l'époque n'était plus au disco, à la fête, le sida était arrivé? Voilà, j'y arrive, oui. Cette liberté qui était, voire du libertinage, tout le monde était aussi libre que moi, sexuellement, tout le monde baisait avec tout le monde, partout, dans les loges, dans les toilettes, partout, c'était une liberté totale. Bon ben là, tout le monde se méfie. C'est passé à l'autre extrême. Une méfiance totale. Il y avait des gens qui n'osaient même plus embrasser. Plus le chômage à tout un coup, vous voyez. Donc tout ça a fait un melting pot contre le Palace. Et la maladie est Fabrice. La maladie est Fabrice également. Il est mort quelques jours après, quelques mois après. Je parle du 5e anniversaire. C'était début 83 et il est mort en octobre. 83. Et à partir de là, c'était fini. Mais c'est là où j'ai commencé à terminer mes soirées du Palace avec le Valkyrie de Wagner, qui sont dans le film. Apocalypse Now, il y a les tirs aussi, à partir des hélicoptères, et on entend à la fin, justement, la voix de l'acteur qui dit « Vietnam, shit !» J'ai gardé le « Vietnam, shit !» Et là, toutes les lumières s'allumaient d'un coup. C'était fini. People on the bridge. 50 caliber on board, moving across. Supply the weapon. Big Duke 6. Clear the area, I'm coming down myself. These people are living above. Saigon. Shit. Merci à Henri Lebeschenec, Guy Cuevas, Éric Guay, Josy Jean-Louis, Didier Lestrade, Jean-Michel Moulac, Georges Pérez et Audrey Teichmann. Merci aussi à Vincent Legal et Sébastien Kerdranvat, réalisateurs de l'épopée des discothèques en Pays Bigoudin, et à Guy Cosmiki. Prise de son, Gilles Gallinaro et Olivia Branger. Archivina et documentation musicale, Annie Lozana, Marie Chauvin, Antoine Vuillose et Christophe Léger. Mixage, Claude Nior. Night Fever, un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Anne Pérez. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au Macumba, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret.